Merci de ce sacrifice, mon ami, dit Adeline en prenant la main du baron et la serrant avec une joie délirante. Es-tu changé? Comme tu dois avoir souffert! Quelle surprise pour ta fille, pour ton fils! Adeline parlait comme parlent les amants qui se revoient après une longue absence, de mille choses à la fois. En 10 minutes, le baron et sa femme arrivèrent rue Louis-le-Grand, où Adeline trouva la lettre suivante. Madame la baronne, monsieur le baron d'Hervy est resté 1 mois rue de Charonne sous le nom de Torec, anagramme d'Hector. Il est maintenant passage du soleil sous le nom de Vida. Il se dit alsacien, fait des écritures et vit avec une jeune fille nommée Atala Judici. Prenez bien des précautions, madame, car on cherche activement le baron, je ne sais dans quel intérêt. La comédienne a tenu sa parole et se dit, comme toujours, madame la baronne, votre humble servante, J.M. Le retour du baron excita des transports de joie qui le convertirent à la vie de famille. Il oublia la petite Atala Judici, car les excès de la passion l'avaient fait arriver à la mobilité de sensations qui distingue l'enfance. Le bonheur de la famille fut troublé par le changement survenu chez le baron. Après avoir quitté ses enfants encore valides, il revenait presque centenaire, cassé, voûté, la physionomie dégradée,